Genèse chapitre 45. Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria, « Faites sortir tout le monde !» Et personne ne demeura avec lui, quand il se fit connaître à ses frères. Et en pleurant il éleva sa voix, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit aussi. Or Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne lui pouvaient répondre, car ils étaient tout troublés de sa présence. Joseph dit encore à ses frères, « Je vous prie, approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas en peine, et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être mené ici, car Dieu m'a envoyé devant vous, pour la conservation de votre vie. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est dans la terre, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labourage, ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous, est-ce pour vous faire subsister sur la terre, et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, lequel m'a établi pour père à Pharaon, et pour seigneur sur toute sa maison, et pour commander dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous d'aller vers mon père, et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte, descends vers moi, ne t'arrête point. Et tu habiteras dans la contrée de Goshen, et tu seras près de moi, toi, et tes enfants, et les enfants de tes enfants, et tes troupeaux, et tes bœufs, et tout ce qui est à toi, et je t'entretiendrai là, car il y a encore 5 années de famine, de peur que tu ne périsses par la misère, toi, et ta maison, et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin, mon frère, voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous parle de ma propre bouche. Rapportez donc à mon père quelle est ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous, et faites descendre ici mon père. Alors il se jeta sur le cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura aussi sur son cou. Puis il baisa tous ses frères, et pleura sur eux, après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et on en entendit le bruit dans la maison de Pharaon, disant, « Les frères de Joseph sont venus. » Ce qui plut fort à Pharaon et à ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, et partez pour vous en retourner au pays de Chanaan, et prenez votre père et vos familles, et revenez vers moi, et je vous donnerai du meilleur du pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse de la terre. Or tu as la puissance de commander, faites ceci, prenez avec vous du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et amenez votre père, et venez. Ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Et les enfants d'Israël le firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi de la provision pour le chemin. Il leur donna à chacun des robes de rechange, et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent, et 5 robes de rechange. Il envoya aussi à son père 10 ânes chargés des plus excellentes choses qu'il eut en Égypte, et 10 ânes portant du blé, du pain et des vivres à son père pour le chemin. Il renvoya donc ses frères, et ils partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez point en chemin. » Ainsi ils remontèrent d'Égypte, et vinrent à Jacob, leur père, au pays de Chanaan, et ils lui rapportèrent et lui dirent, « Joseph est encore, et même il commande sur tout le pays d'Égypte. » Et le cœur lui défaillit, quoiqu'il ne les crût pas. Et ils lui dirent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, puis il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le porter, et l'esprit revint à Jacob, leur père. Alors Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vis encore, j'irai, et je le verrai avant que je meure. »